بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série de cours concernant les règles du mariage tirées du livre Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din de l'imam As-Sa'di rahimahullah. On est arrivé à la parole de l'auteur lorsqu'il dit Babul Muharramat fi al-Nikah, le chapitre concernant les femmes illicites au mariage. Et donc des femmes dont il nous est interdit de nous marier avec elles. Il faut savoir, barakallahu fikoum, que la base concernant l'interdiction des femmes ou des hommes, qu'il interdit à une femme de se marier avec tel homme, la base dans cela, c'est le Coran et la Sunna. On ne se base pas sur l'opinion, je pense que. On ne se base pas sur la culture. Dans ton pays, les gens, ils n'ont pas l'habitude que tel homme se marie avec telle personne, tel type de personne. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, ils n'ont pas l'habitude. Eh bien, en islam, non. On ne prend pas en compte cela, on prend en compte les textes. Le Coran, la parole d'Allah, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on le verra, vous allez pour comprendre pourquoi j'insiste sur ce sujet, notamment ici en Martinique. Alors, il nous dit l'auteur, rahimahullah, wa hunna qismen. Et donc, ces femmes qui nous sont illicites se divisent en deux. Elles sont de deux groupes. Le premier groupe, al muharramatun ilal abad. Le premier groupe, donc, ce sont les femmes qui nous sont illicites à vie. Des femmes qui nous sont illicites à vie. Et le deuxième groupe, muharramatun ilal amad. Et donc, là, ce sont des femmes qui nous sont illicites jusqu'à une période définie. Tu n'as pas le droit de te marier avec telle personne jusqu'à ce qu'il y ait ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un élément, il y a quelque chose qui t'empêche de te marier avec cette femme. Tant que cette cause est présente, tu ne peux pas te marier avec elle. Si la cause disparaît, à ce moment-là, tu pourras te marier avec elle. Exemple, le fait que la femme soit en période de viduité. Son mari est mort, ou alors son mari l'a divorcée, elle est dans sa période de viduité, tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Elle fait partie des femmes qui sont illicites jusqu'à une période définie. Dès que la période de viduité sera terminée, à ce moment-là, tu peux te marier avec elle, comme on a vu précédemment. Tayyib, maintenant on va se concentrer, barakallahu fikoum, sur le premier groupe, les femmes qui nous sont illicites à vie. Il faut savoir que ce premier groupe se divise en 5 sous-groupes. Le premier groupe, les femmes qui nous sont illicites à vie, ce premier groupe se divise en 5 sous-groupes, qui sont les femmes qui nous sont interdites à cause des liens familiaux. On a aussi les femmes qui nous sont interdites à cause de l'allaitement, les femmes qui nous sont interdites à cause de l'alliance, les liens d'alliance. On a les femmes qui nous sont interdites à cause de la malédiction, et ça on le verra, inshallah ta'ala, ou la demande de malédiction. Et on a les femmes qui nous sont interdites à cause donc du profond respect. Tayyib, donc concernant, il faut savoir que l'auteur, le cinquième, le profond respect. Tu vas comprendre. Il faut savoir que donc, les deux dernières causes que j'ai citées, qui sont el-li'an, donc la demande de malédiction, ainsi que le profond respect, n'ont pas été, donc l'auteur n'a pas cité ces deux groupes-là dans le livre. Il n'a cité que les trois premiers. Et donc, on va les citer, inshallah ta'ala, on va commencer par ces deux-là. Et donc, les femmes qui nous sont interdites à cause de la demande de malédiction. Qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque un homme va accuser sa femme d'infidélité et de fornication. Il accuse sa femme d'avoir forniqué. Et lui, il n'a pas ramené de preuves. Il n'a pas ramené de preuves acceptables en islam. À ce moment-là, sa femme, qui a été accusée, si elle veut que la sanction du kadhb, c'est-à-dire le diffamateur, soit appliquée sur son mari, alors elle va demander que cette sanction soit appliquée sur celui-ci. Il a menti sur moi, il m'a traité de fornicatrice. En islam, c'est interdit ça, barakallahu fikoum. Aujourd'hui, les gens, comme on avait dit, les gens, ils prennent ça à la légère. Surtout les jeunes, chez les jeunes, dans les quartiers, ah ouais, une telle, c'est une prostituée, ou alors une telle, ils vont chercher d'autres insultes, etc. Mais ça, c'est interdit ça. On n'a pas le droit d'accuser une personne de fornication sans preuve concrète. Et ça, c'est un grand péché. Allah nous a interdit de faire cela. Et donc, cette femme, pour se défendre, elle peut demander que la sanction soit appliquée sur son mari. Ce mari, comment va-t-il faire aujourd'hui? Donc, dans cette situation, soit la sanction du kozv s'applique sur lui, soit il peut faire la demande de malédiction. C'est-à-dire, lorsqu'il fait cette demande, lorsqu'il fait cela, le juge, donc ça c'est quelque chose qui s'applique dans un pays musulman, le juge va les réunir tous deux, l'homme et la femme. Et il va demander à l'homme de jurer 4 fois que celle-ci est une fornicatrice et qu'elle a été infidèle. Et la 5e fois, il demande que la malédiction d'Allah s'abatte sur lui s'il est un menteur. Ensuite, la femme, elle vient. Et elle va devoir jurer 4 fois que lui, c'est un menteur. Et la 5e fois, elle invoque que la colère d'Allah s'abatte sur elle s'il est véridique. Et ensuite, après cela, le juge va les séparer. Comme cela a été fait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les deux sont séparés, le mariage est annulé et ils ne peuvent plus se remarier. Et donc là, c'est une femme qui va devenir illicite à cet homme à vie. Il n'a plus le droit de se remarier avec elle. Voyez ? Et donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, l'interdiction à cause du profond respect. Ça, c'est quelque chose qu'à notre époque qui est terminé. C'est terminé, mais on le cite pour que vous sachiez. Les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit, formellement interdit, de se marier avec les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort. Nous, à notre époque, ce sujet ne nous concerne plus, elles sont mortes. Mais on le cite afin qu'on le sache. D'ailleurs, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a utilisé ce sujet dans un débat contre les Khawarij. Et ça, on le verra, inshallah ta'ala. Et donc, maintenant, on continue avec ce qu'a dit l'auteur. Il nous dit, « Fal muharramatu ilal abadi sab'un min al-nasabi. » Et donc, les femmes qui sont interdites à vie, elles sont, donc là, il commence à les citer, premièrement, 7 qui sont interdites par les liens familiaux. Interdites par les liens familiaux ou les liens de parenté. 7 qui sont interdites par les liens de parenté. Donc on a vu les femmes interdites à vie se divisent en 5 groupes. On a déjà vu les 2 premiers groupes. Et là maintenant, le 3e groupe, ce sont celles qui sont interdites à cause des liens de parenté. Celles-là, elles sont au nombre de 7. Il nous dit l'auteur, « El ummahat wa in alawna » Les mères. Les mères et ainsi de suite. Les mères et même plus haut que les mères. Ce qui est voulu ici, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, à l'infini jusqu'à Hawa. l'épouse de Adam, alayhi salam. Donc, Adam. Et donc, nos mères nous sont illicites. Premièrement. Deuxièmement, walbenet wa innezelna. Les filles, même celles qui vont être les filles de nos filles. Et donc, nos filles nous sont interdites. Tu ne peux pas te marier avec ta fille. Tu ne peux pas te marier avec la fille de ta fille. Tu ne peux pas te marier avec la fille de ta fille de ta fille, etc., etc., etc., etc. La fille de ta fille, ainsi de suite. Et ensuite, il nous dit, troisièmement, wal akhawat mutlaqan. Il nous est interdit de nous marier avec nos sœurs, de manière absolue. Il nous est interdit de nous marier, il nous dit, wa banatuhun. Il nous est interdit de nous marier avec les filles de nos sœurs. Celle dont tu es son oncle, et elle, c'est ta nièce. Il t'est interdit de te marier avec elle. Wabenetul ikhwa. Et donc, cinquièmement, les filles de nos frères. Même chose, tu es leur oncle. Et sixième et septièmement, wal ammat wal khalat lahu awli ahadi usulihi. Mashallah. Et sixième ou septièmement, donc on a les oncles paternels. Les tantes paternelles, ainsi que les tantes maternelles, ou alors les tantes de ses parents. Même les tantes de tes parents, elles te sont illicites. D'accord ? Donc tes tantes à toi, c'est réglé. C'est clair. Mais aussi les tantes de tes parents. Pourquoi ? Parce que c'est le même principe qu'on a vu précédemment. La mère, la grand-mère, la fille, la petite-fille, etc. Et donc, ça continue. Et la preuve en cela, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, concernant ce 7-là, il dit dans le Coran, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. Vous sont interdites vos mères, vos filles, ainsi que vos sœurs, vos tantes maternelles, vos tantes paternelles, ainsi que les filles de vos frères et les filles de vos sœurs. Et donc, toutes celles qui ont été citées ici, donc que le cheikh a cité précédemment, toutes ces femmes qui sont illicites, il faut savoir qu'il y a unanimité chez les savants concernant leur interdiction. Il n'y a aucune divergence. Si une personne vient te voir te dire « Oui, mais tu peux, etc. » Non, il n'y a pas de divergence. Quelqu'un vient nous voir et elle nous dit Abdul Karim, le verset que tu viens de citer, Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum, vous sont interdites vos mères, vos filles, etc. Dans ce verset, la grand-mère n'a pas été citée. Pourquoi est-ce que tu viens me dire que la grand-mère est interdite? Dans le verset, la grand-mère n'a pas été citée. La première réponse qu'on va donner, c'est l'unanimité. Ceci est un sujet d'unanimité. Les savants musulmans sont unanimes sur ce sujet, il n'y a pas de divergence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit « Inna Allah la yajma'u ummati ala dalala ». Certes, Allah ne réunit pas ma communauté sur un égarement. Ça veut dire que si les savants sont unanimes sur un sujet, ce sujet est forcément la vérité. Et le contraire, c'est un égarement. Et donc, les savants musulmans sont unanimes sur ce sujet. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, dans la langue arabe, et c'est là qu'on va revenir, subhanallah, dans la langue arabe, la mère de sang. Donc le mot mère va s'appliquer sur la mère qui a enfanté l'enfant, mais il va aussi s'appliquer sur la grand-mère, la mère de la mère, ou alors la mère du père. Ce même nom va s'appliquer dans la langue arabe. Même chose pour le père. On va dire dans la langue arabe, ton père, en parlant de ton père, celui qui t'a engendré. Et on a aussi, donc, ton grand-père, celui qui a engendré ton père. Et ainsi de suite, dans la langue arabe, ça s'applique aussi. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il ne vous a pas placé, il ne vous a pas mis de difficulté dans la religion. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ. La religion de votre père, Ibrahim. Donc Abraham, ils ont dit en français. La religion de votre père. D'accord ? Et donc, Adam alayhi salam, c'est notre père. On est d'accord ? Adam alayhi salam, c'est notre père à tous. Ainsi de suite. Tayyib. Et donc, pareillement pour les femmes. Pareillement pour les femmes. Et d'ailleurs, subhanallah, et si quelqu'un vient nous voir, mais vous avez fait la même chose chez les oncles, on va te dire, c'est la même chose. Et d'ailleurs, en Martinique, on a ce principe. Si vous regardez bien, en Martinique, parfois, il y a des gens, on va les appeler tontons, hein? On va dire que ce sont nos oncles. Et lorsque tu regardes, ah, mais c'est pas le frère de ton père. C'est le cousin de ton père. Souvent, c'est comme ça. Très souvent, c'est comme ça. Parce que les Martiniquais ont gardé cette culture qu'il y avait déjà chez les esclaves. Les esclaves qui sont venus d'Afrique, ce sont des esclaves qui... Donc les historiens nous disent qu'il y avait un tiers d'esclaves musulmans. Et donc il y avait déjà cette culture. Le fait que l'oncle du père, c'est ton oncle. L'oncle du père, c'est ton oncle aussi. Et ça, c'est resté. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui cherchent à combattre cela. Ils disent non, non, non, c'est pas ton oncle. Pourquoi ? Parce qu'ils se basent sur la culture des colons. En France, on ne va pas dire que l'oncle de ton père, c'est ton oncle. Et donc, on se base sur la culture des colons pour dire cela. Alors qu'en islam, oui, l'oncle de ton père, c'est ton oncle. C'est ton oncle. Dans la langue arabe, l'oncle de ton père, c'est ton oncle aussi. La tante de ton père, c'est aussi ta tante. Aussi. Et donc la tante de ton père, elle t'est interdite au mariage. Et c'est pour ça qu'il est important, barakallahu fikoum, d'apprendre la langue arabe. Parce que ici, ce sujet-là, les femmes qui nous sont interdites, on va regarder, on va comprendre ce sujet-là en fonction de la langue arabe. Pas en fonction de la langue française ou la langue créole. Est-ce que c'est bien compris ? Tayyib ? Donc nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et demain, on va commencer donc le sujet des femmes qui sont interdites à cause de l'allaitement et les femmes interdites à cause du mariage. Bi'inillahi ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.